de son âme, à l'affût du moindre drame, à l'académie des tards, le ciel est triste ce soir, de ce château de cartes, elle a mis les voiles, ils ont brisé une étoile. Ils préfèrent du prêt à bouffer, prêt à vendre leur âme pour une gueule formatée, des tatouages pour faire mouiller les pucelles. Je préfère les boîtes de nuit au grincement des violoncelles. Elle a autre chose à jouer que la starlette. Il bave sur son cul, pervers refoulé. Il se branle en racontant qu'elle va bientôt crever. Elle a montré plus de force que tous réunis. Quand ils iront au bord du gouffre, elle touchera le paradis. Il y avait un peu d'espoir dans ce foutoir. Elle nous offrait avec amour ses fleurs du mal. Et au gré de leur universal, ils ont brisé une étoile. Les sanglots étouffés dans la gorge, elle voulait juste quelques notes. Non, ce n'est jamais de leur faute. Faut du pognon, faut qu'ils votent. Faut du pognon, faut qu'ils votent. Ils ont brisé.